Lettre 29e. Le dimanche à Paris, groupe de famille, plaisir populaire, école polytechnique, ressemblance des jeunes gens avec la figure de Napoléon, attachement constant pour l'empereur, esprit conservateur des écoles anglaises, le dimanche aux Tuileries, religion des personnes bien élevées, opinion populaire. Le dimanche est un jour délicieux à Paris, plus même que dans aucune autre ville que j'ai visitée, à l'exception de Francfort. Le plaisir est si universel et pourtant si domestique. Si je jugeais du caractère national d'après les scènes qui se passent sous mes yeux ce jour-là, au lieu de recueillir mes idées dans les livres et les journaux, je dirais que le trait le plus marquant de ce caractère est l'affection conjugale et paternelle. Il est rare de rencontrer un homme ou une femme en âge d'être marié et d'avoir de la famille qui ne soit accompagné de son époux et de ses enfants. Ils boivent tous ensemble leur bouteille de vin léger. Le théâtre des plaisirs d'un époux l'est aussi de ceux de l'autre, et quelque petite ou quelque considérable que soit la somme qu'ils sont en état de consacrer à cette journée de récréation, elle est toujours dépensée en commun entre le mari et la femme. Je suis souvent entré le matin, à l'heure de la messe, dans les églises des différents quartiers de la ville, et je les ai toujours trouvées fort pleines. Quoique je n'y ai point observé de marque de cette espèce de dévotion de pénitence, si je puis m'exprimer ainsi, qui est si commune dans les églises de la Belgique, où les bras péniblement étendus rappellent les solennités indiennes, une attention grave et pieuse aux cérémonies de la religion n'en est pas moins universelle à Paris. Ce n'est qu'après que la grand-messe est finie que la population se répand dans tous les quartiers de la ville et de ses environs, moins encore pour y chercher du plaisir que pour en voir prendre. Et elle est sûre d'en trouver, car on ne peut faire 10 pas dans quelque direction que ce soit, sans rencontrer un objet qui procure de l'amusement d'une espèce ou d'une autre. Il n'y a pas de spectacle qui me plaise autant que celui d'un peuple nombreux, pendant ses heures de repos et de joie, quand il se rassemble pour faire des lois. J'avouerai volontiers que je ne l'aime ni ne l'admire, mais quand il se livre au plaisir, et surtout quand les femmes et les enfants y prennent part, la scène me paraît délicieuse. Et il n'y a pas de lieu au monde où elle se montre sous un aspect plus favorable qu'à Paris. La nature du peuple, celle du climat, la forme et les dispositions mêmes de la ville en favorisent singulièrement le développement. C'est au grand air, sous la voûte azurée du ciel, et en présence de plusieurs milliers de leurs semblables, que les Parisiens aiment à s'amuser. Leur atmosphère brillante et pure semble avoir été faite exprès pour eux. Et ceux qui ont tracé le plan des boulevards, des quais et des jardins de Paris ont certainement réfléchi combien l'espace était nécessaire pour que ces sociables citoyens puissent se réunir. Les jeunes gens de l'école polytechnique forment un des traits les plus marquants du dimanche à Paris, car ce n'est que le dimanche et les jours de fête qui leur est permis de parcourir en liberté la ville, mais aussi, dans toutes les occasions de ce genre, les rues et les promenades publiques pullulent de jeunes Napoléons. Il est tout à fait extraordinaire d'observer comme le résultat d'un principe ou d'un sentiment plein de force peut se montrer extérieurement sur un corps considérable d'individus et donner de la ressemblance à des personnes que la nature avait faites aussi différentes que possible. Il n'y a pas un seul de ces jeunes gens de l'école polytechnique, quoique le plus âgé d'entre eux ne fût pas encore né le jour où Napoléon quitta la France pour jamais, qui ne rappelle plus ou moins la figure bien connue de l'empereur. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit mince, c'est toujours la même chose. Tous, sans doute, à force d'avoir étudié leur modèle adoré, approchent réellement de cet air et de cette tenue qui, jusqu'au moment où le tyran le plus populaire qui ait jamais existé les eut rendus familiers aux yeux de la France, n'avait pas le plus léger rapport avec la physionomie et le maintien ordinaire de ses citoyens. Il est certain que l'art du tailleur contribue beaucoup à donner une ressemblance apparente à deux personnes. Mais il ne peut pas faire tout ce que nous observons dans l'extérieur d'un élève de l'école polytechnique, qui rappelle l'homme extraordinaire dont le nom, tant d'années après son exil et sa mort, est encore incontestablement celui qui émeut le plus les Français. L'époque qui s'est écoulée depuis sa chute a été pleine d'événements importants et du plus haut intérêt pour l'humanité, et pourtant sa mémoire est encore aussi vivante parmi eux que s'il ne fût rentré qu'hier en triomphe aux Tuileries, de retour d'une de ses 100 victoires. Oh, si le peuple souverain savait seulement comprendre aussi bien qu'il sait lire! Oh, s'il se trouvait quelque esprit chrétien qui voulût lui interpréter, dans des accents qu'il consentit à écouter, la vie et les aventures de Napoléon le Grand. Quelle leçon plus frappante pour un peuple fatigué d'être gouverné et qui demande à grands cris à se gouverner lui-même. C'est précisément avec la même fatigue, précisément avec le même désir que ce peuple actif, intelligent et fort rejeta, il y a quelque 40 ans, le joug de ses lois et l'autorité de son monarque. Alors il devint libre comme le sable du désert. Dans toute cette vaste masse, il n'y eut pas un atome individuel qui n'eût eu le pouvoir de s'élever grâce à cet ouragan, aussi haut que le vent sans frein de son ambition eût pu le porter. Et quelle en a été la suite? Les Français, emportés par ce tourbillon, dans lequel chaque homme heurtait son voisin sans qu'il y eût personne pour le lui défendre, en éprouvèrent des vertiges. Dans la frayeur qui s'empara d'eux, ils s'accrochèrent, comme des malheureux qui se noient, au premier audacieux qui vint essayer de les remettre sous le joug. Ils le suivirent pendant de longues années de guerre, qui abattaient leurs rangs comme la faux couche par terre le blé quand il est mûr, et ils le suivirent sans murmurer. Pendant de longues années, ils lui permirent d'arracher d'auprès d'eux leurs enfants, un âge où ils n'avaient pas encore épuisé sur eux leur tendresse paternelle, et ils les lui donnèrent et ne murmurèrent point. Pendant de longues années, ils vécurent privés du bien-être que procure le commerce, et ne recueillant de leurs travaux que le pain nécessaire à soutenir leur misérable existence, et ils s'en contentèrent et ne murmurèrent point. Car ils revoyaient un prince sur le trône, ils avaient de nouveau des lois exécutées avec fermeté et qui les rassuraient contre les horreurs de l'anarchie. Ils demeuraient attachés à leur tyran et à ses décrets sévères, souvent même rigides, avec tout le dévouement de la reconnaissance et de l'affection, dévouement qui se manifeste encore par le culte qu'ils rendent à cet homme vaillant qui vint les délivrer du terrible fardeau de l'autocratie. Rien n'effacera jamais ce sentiment, car sa tyrannie militaire a passé, et les bienfaits que sa puissance colossale lui a permis de répandre sur eux subsisteront tant que la France elle-même durera. Le seul moyen par lequel un autre souverain pourra parvenir à rivaliser de popularité avec Napoléon sera de rivaliser de puissance avec lui. Si une partie du sang fiévreux qui agite encore la France était enlevée aux villes pour renforcer son armée, si 100 000 enfants de la France marchaient pour rendre à l'Italie sa position naturelle en Europe, le pouvoir, la gloire et la popularité soutiendraient le trône et la tranquillité serait rendue au peuple. Sans quelque remède de ce genre, la pauvre jeune France mourra de pléthore. Il lui faut ou cela ou un gouvernement aussi absolu que celui de la Russie pour l'empêcher de nuire. Et elle aura certainement l'un ou l'autre avant peu. C'est une chose dont je ne doute pas le moins du monde, car il y a beaucoup de très habiles gens au pouvoir ou sur ses degrés, qui ne tarderont pas à découvrir ce dont elle a besoin. Dans l'intervalle, ce beau corps de jeunes gens reçoit, à ce que l'on m'a assuré, une éducation qui ne peut manquer d'en faire d'excellents officiers du moment où ils seront appelés à servir. Malheureusement pour la réputation de l'école polytechnique, ils ont, dans les émeutes de 1830, jouaient un rôle qui n'a pas fait beaucoup d'honneur à ceux qui étaient chargés de les surveiller. Quoi qu'il en soit, le gouvernement qu'en France les hommes ont bien voulu accepter de la main des enfants semble réellement être plus sage et meilleur que celui qu'ils avaient droit d'attendre d'une autorité si étrangement constituée. Le nouveau gouvernement se sert sagement de la force qui lui a été donnée pour prévenir la répétition des excès auxquels il doit son origine. Et l'on dit que ces beaux jeunes gens, retenus maintenant par une discipline très sévère, sont pour le trône un rempart qui n'est pas à dédaigner. Mais l'on m'a assuré, d'un autre côté, qu'il n'en est pas de même de la plupart des jeunes gens réunis à Paris pour y faire leur éducation. Les ridicules idées du républicanisme se sont emparées d'eux, et tant que l'on n'aura pas corrigé cet esprit, il faut s'attendre à de petites émeutes assez fréquentes. Une des circonstances les plus heureuses en ce moment pour la pauvre Angleterre, c'est que ces jeunes gens ne soient point républicains. Tout au contraire, l'esprit de la génération qui s'élève est, parmi nous, décidément conservateur. Tous nos grands établissements d'éducation sont torés jusqu'au fond du cœur. Les jeunes Anglais ont été réveillés, étonnés par le péril qui menace leur patrie. O'Connell, le roi mendiant, qui nous a envahis, a produit sur eux l'effet accoutumé dans toute invasion. Et plutôt que de lui voir conquérir l'Angleterre et y régner avec sa cour papiste, ils s'élanceraient du fond de leur collège pour le repousser en criant « Camarades, nous le ferons à nous seuls !» Et ils le feraient, quand même ils n'auraient pas de père pour les aider. Mais en parlant des êtres les plus gais et les plus heureux qu'on nous montre le dimanche, j'oubliais de continuer la description de ce dimanche même. Combien ne voit-on pas de mères heureuses et fières de s'appuyer sur le bras d'un fils qui ressemble à un empereur, tandis qu'une jeune et jolie personne, que ses traits et la familiarité de ses manières font reconnaître pour la sœur de ce fils, annonce par ses sourires et sa gaieté que le jour de sortie de son frère est vraiment un jour de fête pour elle. Je vous ennuie sans doute en vous parlant si souvent des Tuileries, mais je ne puis en sortir, surtout en décrivant le dimanche à Paris, car c'est là que se rassemblent les plus jolis groupes. L'histoire de la journée entière peut s'y lire. Aussitôt que les grilles s'ouvrent, on voit des hommes et des femmes, dans un déshabillé plus commode qu'élégant, les traverser dans toutes les directions pour se rendre à la sortie qui conduit au quai et de là au bain Vigier. Puis viennent les groupes d'après le déjeuner, et ceux-ci sont magnifiques. D'élégantes jeunes mères en demi-toilette accompagnent leurs bonnes et les jolies petites créatures confiées à leurs soins, afin d'assister pendant une heure au joyeux ébat que la présence de la chère maman rend cette fois plus gaie qu'à l'ordinaire. J'ai souvent examiné ces mères, et toujours avec le même plaisir, essayant parfois de lire sans qu'il leur soit possible de fixer leur attention sur leur livre pendant une demi-minute de suite, forcés à la fin d'y renoncer tout à fait, et rester, l'inutile volume posé sur leurs genoux, pour répondre avec complaisance à toutes les questions enfantines qui leur sont adressées, tout en suivant des yeux, avec la douce satisfaction de la maternité, chaque attitude, chaque mouvement, chaque grimace de ces petites miniatures chéries, dans lesquelles elle se revoit elle-même ou un être plus cher encore. Depuis 10 heures jusqu'à 1 heure de l'après-midi, le jardin pullule d'enfants et de leurs bonnes, et ces enfants sont, je vous l'assure, fort jolis et fort amusants avec leurs costumes bizarres et leurs petites volontés. Puis vient l'heure du dîner de la petite famille qui se retire, et c'est là le seul moment de la journée où il soit quelquefois possible de trouver la promenade inoccupée. Le changement suivant de décoration amène les chapeaux roses, blancs, verts et bleus. Des plumes flottent au gré des vents, et des fleurs brillantes se voient de tous côtés. D'élégantes calèches descendent en roulant les rues de Castiglione et de Rivoli. Des cabriolets arrivent de tous les coins pour déposer leurs galantes charges à la grille du jardin. Peu à peu, de doubles et triples rangs de chaises sont occupés de chaque côté des allées, pendant que l'espace qui les sépare est une mouvante masse d'agréables oisivetés. Ce spectacle se prolonge jusqu'à 5 heures. Alors, l'élégante foule se retire et un autre monde, moins gracieux peut-être, mais non moins animé, prend sa place. Les bonnets succèdent aux chapeaux et le grand rire de la jeunesse et de la joie remplace les propos galants prononcés à demi-voix. Le sourire silencieux et les diverses manières dont les personnes bien élevées se communiquent mutuellement leurs pensées de façon à agiter le moins possible l'air qu'elles respirent. À compter de ce moment, jusqu'à la chute du jour, la foule continue à augmenter. Et si l'on ne savait pas qu'en ce moment, tous les théâtres, toutes les guinguettes, tous les boulevards, tous les cafés de Paris sont remplis au point d'y étouffer, on pourrait croire que la population tout entière s'est rassemblée aux Tuileries pour se divertir sous les fenêtres du roi. Dans les classes élevées, la soirée du dimanche à Paris est exactement semblable à celle de tous les autres jours de la semaine. Il y a le même nombre de réunions, ni plus ni moins, le même nombre de dîners, tout autant de parties de cartes, tout autant de danses, tout autant de musique. On va tout autant à l'opéra, seulement les autres théâtres sont en général abandonnés aux gens endimanchés. Il ne faut pourtant pas croire, parce que je n'en ai point particulièrement parlé, que les personnes riches ou nobles négligent totalement leurs devoirs de religion. Toutes les fois, au contraire, que je suis entré le dimanche dans une église, à l'heure des offices, et cela m'est arrivé souvent, j'y ai toujours trouvé un grand nombre de personnes appartenant à la société la plus distinguée, et plus peut-être en proportion que partout ailleurs. Néanmoins, pour ce qui regarde l'état général de la religion dans les hautes classes, il est aussi difficile de découvrir avec certitude ce qui en est, que de savoir au juste leur opinion politique par un calcul fait sur la masse. Ce n'est pas qu'elles montrent la moindre réserve, ou qu'elles refusent de s'expliquer sur l'un ou sur l'autre de ces sujets. Au contraire, Chacun semble toujours prêt à répondre aux questions que l'on fait et à donner tous les renseignements que l'on peut désirer. Mais la variété des rapports que l'on reçoit est inconcevable. Et comme il m'est arrivé souvent d'entendre les assertions les plus fortes et les plus positives sur l'opinion de la majorité, faites par des personnes dont la sincérité desquelles je mettais toute confiance, et puis ces mêmes assertions nettement contredites l'instant d'après par d'autres non moins dignes de croyance, la conclusion que je tire de cela est qu'en effet, l'esprit public flotte encore dans l'incertitude sous ces deux rapports. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je crois véritablement et absolument qu'il existe une majorité décisive. C'est sur l'aversion que tout le monde éprouve pour toute nouvelle épreuve d'une forme quelconque de gouvernement républicain. Le parti qui soutient la démocratie est à la vérité celui qui fait le plus de bruit. C'est toujours là son usage. Ni la Chambre des députés, ni la Chambre des pairs n'irent la nuit sur les places publiques crier « Vive le roi !» Et les citoyens tranquilles, qui désirent le plus vivement le maintien du gouvernement existant, ne songent pas plus à quitter pour cela leur boutique que les pairs leurs hôtels, de sorte que tout essai que l'on ferait pour juger des sentiments politiques du peuple par les cris que l'on entend pousser dans les rues ne pourrait manquer d'induire en erreur. Et pourtant, c'est là-dessus que sont fondés presque tous les jugements que l'on porte. Quant aux sentiments religieux qui existent dans la partie bien élevée de la nation, il est plus difficile encore de s'en former une juste opinion. Car sous ce rapport, à ce qu'on m'a dit, les indices les plus forts ne prouvent souvent rien. En attendant, si des églises remplies au point d'y pouvoir à peine entrer sont une preuve de piété nationale, il est certain que le peuple de Paris est pieux, et il me semble qu'un simple spectateur comme moi ne devrait pas chercher à scruter la chose plus à fond.